sur un appel, on m'appelle, on t'appelle, qui s'interpelle, encore cet interprète, mais sous le jean, Coca-Cola, la peur ne transpire pas, ma vie un bail de fou, j'ai failli partir sous écrou, mais sous le jean, ouais la brigade a été maligne, sur un appel, tu sers, j'ai vu des voyous finir en maison d'arrêt, mal préparé, ouais c'est chaud, l'âme dans les chapeaux, pas de cran d'arrêt, à cette époque-là, j'ai vu ma vie défiler, semi-bad, semi-préparé au pire, j'en ai vu devenir des victimes dans la cage, dans le bendo, mais le pire, ça tire. Pour se tirer des pires galères, j'ai vu les cornes de Lucifer sur mon terre-terre, une barre de fer et je t'éclaire. Vite, j'ai un penchant pour d'autres jeux, une double peine pour une seule tête, ça devient chaud. Sur un appel, on m'appelle, on t'appelle, qui s'interpelle, encore cet interprète, mais sous le jean, Coca-Cola, la peur ne transpire pas. S'il s'avère que je dois m'en aller, crame pas mon souvenir dans ton cendrier. Yeah, j'ai des choses à faire, des bails de fou, si tu joues seul, un fou ne laisserait pas tourner la roue, des coups à amortir, si ça tire, c'est que yeah, le couteau n'est pas hors jeu, sanguinaire comme le feu, rouge vif, pense au spiff et au bif qu'il procure, ce qui est dur est sûr, ce qui est pur est dur, on dure. On part, on s'en fout un peu, ouais, on s'en fout un peu. C'est l'addition de Casso, ce qui fait qu'on sait jamais où on est. À trop traîner, on finit par canner. À trop rester, on finit gazé. Sur un appel, on m'appelle, on t'appelle, qui s'interpelle, encore cet interprète, mais sous le jean, Coca-Cola, la peur ne transpire pas. Sur un appel, on m'appelle, on t'appelle, qui s'interpelle, encore cet interprète, mais sous le jean, Coca-Cola, la peur ne transpire pas. La peur ne transpire pas. Sur un appel, sur un appel. Ok, TK13. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.